Freestyle fiction, freestyle action, oh oh, c'est Dutché. Freestyle fiction, freestyle action, freestyle fiction, freestyle action, freestyle fiction, freestyle action. J'commets un vol avec infraction, où j'bute les gardes en faction, en une fraction. Seconde, je passe à l'action, personne ne bouge. Ambiance cache-bras, enlève les bras, c'est code rouge. Ambiance cache-bras, enlève les bras, c'est code rouge. Rouge l'or, en 5 minutes tu fais hors la loi, à mort la loi. Les flics touchés à bois, à mort. Alors flashback, ambiance cache-bras, personne ne bouge, c'est code rouge. Enlève les bras, oula, non, caissière ne touche pas ce bouton là. Conseil de l'automatique, 9000 pushka. Pousse-toi par terre, surtout ne bouge pas. Ouvre la caisse vite, car seuls les bifetons à soif. Envoie l'espèce, faut que ça se passe vite, pétasse. Remplis le feu, c'est recouche-toi. Histoire louche, de quoi se faire 10 000 bonnes primes du mois. Hey ho, c'est Dutché. Putain, on se casse, prends le butin vite. Les keufs vont appliquer, fils, on aura de quoi répliquer. J'hésite pas, s'il faut j'en butin. La caissière bronche, coup de panique, on lui éclate la tronche. Pas vu, pas pris, laisse pas de témoin. C'est ce que la rue m'a appris, j'ai moins d'une minute pour m'arracher tous les poulets des boules. Prends cette pute en otage, Dutché, s'il faut tirer dans la foule, ça part en couille. Les douilles pleuvent, j'en ai fait morfler un, cet enculé s'écroule. J'ai fait une veuve et des orphelins. C'est cool, le sang coule, ils sont au bout du rouleau. Y'a plus qu'à finir le boulot. Après on trinque à leur santé, on boit le champagne au boulot. J'commets un vol avec effraction, où j'bute les gardes en faction, en une fraction. Seconde, je passe à l'action, personne ne bouge. Ambiance cache-bras, enlève les bras, c'est code rouge. Ambiance cache-bras, enlève les bras, c'est code rouge. J'commets un vol avec effraction, où j'bute les gardes en faction, en une fraction. Seconde, je passe à l'action, personne ne bouge. Ambiance cache-bras, enlève les bras, c'est code rouge. Ambiance cache-bras, enlève les bras, c'est code rouge. Pour la fabrique, pour le réseau caché, à ma famille, tous mes potes du 9-1 et d'ailleurs, etc, etc, etc. Bon, au CNE dédicace pour Fleury, Savigny, Long Jumeau et Viry, CH, MCH, Vital, tous mes sauces, réseau caché, hein. Comme ça que ça se passe, mec. Enfin, hein. La fabrique en force.